La communication et les réponses du porte-parole du ministère coréen des Affaires étrangères qui ont averti les États-Unis reniant à tout prix la souveraineté et le droit à l'existence de la Corée et s'adonnant frénétiquement à la confrontation militaire et à la pression ont été rapportées dans divers pays du monde. Sous le titre « La Corée ne craint pas la guerre avec les États-Unis et poursuivra sa cause choisie », « La Corée ne fléchira point à la pression américaine » et d'autres thèmes, l'agence de presse russe TASS, la télévision Telesur et le journal BIA du Venezuela, l'agence de presse cubaine Prensa Latina, l'agence de presse Chine Nouvelle, les journaux Liaoning Dibao, Yanbian Dibao et Julien Simon, la télévision centrale, les réseaux Information Chinoise, La Planète, Chine Nouvelle, Jeunesse, Radio Internationale et Information Nord-Est de Chine, l'agence de presse Inde-Asie de l'Inde, la revue d'internet népalaise Nepal Today, le journal uruguayen La Juventud et les pages d'internet du comité brésilien pour la solidarité avec la République populaire démocratique de Corée et du comité national d'études des idées du Congo démocratique les ont rapportés en résumé ou en texte intégral.